spectacle du soir. Écoute-moi ce que tu dis, tu ne l'as jamais entendu, c'est normal, tu ne connais pas. Cette musique, tu ne sais pas si tu connais, tu ne connais pas. Tu l'aimes bien, tu aimes bien la voix, ici. Alors, tu la télécharges sur ton GSM, sur ton MP3, ton micro, ton micro, tu n'es pas, déjà pas. Mais ce que tu ne sais pas avec ça, c'est que quelquefois tu ne respectes pas les droits d'auteur. Alors tu écoutes, que t'aimes bien la radio. Pourquoi? Parce qu'elle te plaît, infiniment, tu veux faire, d'avoir tout ton GSM, ton iPhone, ton iPod, ton BlackBerry et j'en passe. Du coup tu es également la faire découvrir aux autres, c'est normal, c'est fait pour ça. Alors tu écoutes cette musique qui te donne beaucoup d'envie. C'est normal, on peut comprendre, c'est ton genre de musique. Tu écoutes cette musique qui donne beaucoup d'entrain, de rythme, de passion, de bonheur. Et surtout, tu passes temps en écoute de ton style de musique favori. Alors tu écoutes cette musique qui t'entraîne dans un autre monde. Un monde où tu rêves de tout et de rien à la fois. Alors tu écoutes. Cette musique, plusieurs milliers de fois par jour, même parfois plus. Tu l'écoutes partout, dans ton bus, à l'école, enfin, pas dans l'école, sur le chemin, chez toi, chez tes amis, tu l'as fait découvrir, et c'est comme ça qu'ainsi l'auteur se fait un nom. Alors tu écoutes cette musique, qui donne beaucoup d'entrain et qui rend très populaire l'auteur. Et sur Facebook, tu pourras trouver tout ça. Alors, tu écoutes cette musique qui donne beaucoup d'entrain et fait beaucoup de bonheur aux gens. Alors, écoute cette musique qui te donne beaucoup d'envie. Tu réécoutes, et de nouveau tu surécoutes pendant des jours et des nuits cette musique qui te donne du bonheur, de la passion, du rythme. Et j'en passe. Tu l'as en tant que musique favori. Et surtout dans ta tête, tu la chantes partout à tue-tête. Alors tu écoutes cette musique qui donne de l'envie. Alors, mais juste une question se pose. Est-ce que si jamais tu veux la diffuser sur une web radio que tu as créée, est-ce que tu paieras les droits d'auteur? C'est une question qui se pose, non? Alors, tu réécoutes, tu paies, ou bien tu restes dans l'anonymat? Certes, tu peux écouter la musique, mais si tu veux diffuser, tu pourras payer.